Tous les matins, j'en vais bosser, je traîne les pieds. Si j'y vais plus, tout est perdu. Mais c'est comme ça, sinon on barre, un boulot de mer, une feuille de zère, un chef-aillon, une direction, un monde de mer, ça me voyagère, un coup de chignol, ça fait la viole, mais j'en peux plus, j'en ai pas le cul, demain j'arrête, et ni la fête. Mais j'en peux plus, j'en ai pas le cul, demain j'arrête, et ni la fête. Mais j'en peux plus, j'en ai pas le cul, demain j'arrête, et ni la fête. Mais j'en peux plus, j'en ai plein de cul, demain j'arrête et vive la fête. Un coup de signal sur ta gueule.